Enezahod, diwa roman Xavier Langlais. Rand Pemzik, ur volse dar. Glask un norbenek der gelech me ma chère dini. Ker ides troain na distroain, it ach torna din diweligen, ne gao dijo rebet. An erdei a ters geti biziet goreen ur mogerieu nif, ne chedini un disteran fralien. Achetu, urfol, urfol nameitan, dirazi. I anawedera, tchertchent, inam holeu, miltri, guéran fol lagenenes. Striliainera an dour, dorivleu, dispagarizisque. Disliue isrem, a glas isiueus. Schwer divi itisquesbout, nameidies. Indro di ben, el ur rod hiaoul. I zi avez a ber e emban levine un trer. I ene atkavet, eus ke din i zeulegat. Ker gwane Liliana, ma ne hel obir ur hamet da veitan. Miltri! Hag ian, dila avar, a krogain nini dorn. Jenskorn e izorn ian, a noar ne grentche d'ur plach. Dre ur banelleu livet i terhant. Achi un em gant, trer ebeud ur folet wiv. Ur fol, izorn burpet krog in idorn, izen trema un diarvez. Ema in broma pell d'or ur fol di. Ti heud ou deus un ent e gast d'or parke warn, a chetu ma velant, a daoultrum, a hust ou feneuv, ars ur vol strink. Trasweus, gwan e isket. Ruzelain a lugainera el flammur lutech n'en dehemui a yul, hag e bik lamfe tchen mougain. Est lam as pouron, taken a l'air taken, i var ventan a rigore, hag a veid ur ver ketan a baoe dek mil ble marse, e ne m'achete ne noz ar un enez. Un noz, Pontus. Hebloué en achetiret, na gleuer trouze bedini. Elle m'a vigé gronne de Nénézaber, gudur sar. Hogen, tchurchen a marwe nelfenechtan de véan, ich trink in diweldet ur sclérigen dalus. Tare d'un dezer peus. A ker sked uze ur sklerigen se, ma ne weler mui nameiti. Un em zaspugnera, inèbre, i doare ur rod lugernus, i troain, i troain, tchen i tro, in ur vanain abeptu, flamigeneu tant d'iniver. Ur volstring e strak hag dar. Achetu mas purement Liliana. I halon i tridal gudar leuine, un nueble a hustei. Hag un gnaol, i lijor un nueble. An eol gwe, an eol ru, an eol. Diwa Roman Xavier Langlais. Azassad à Sévenine, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Lemoulec, Azenor Kalak, Yann Ederne Jourdan, Paul Madec, Tanguy Daniel, Morwen Lenormand. Mouerie Orpen, Jocelyn Lyotard, Jérôme Olivry, Yann Boissardi, Jean-Maille Olivier, Lors Kavenec, Julien Antoine, Mériadec Lequéré, Morwena Cadoret, Chloé Lefraliec, Anaïs Leroux. Son Aïn, Ronan Le Gourierec. Trouziaïn, Jean-Maille Olivier, à Ronan Le Gourierec. Enrolein, Framain, à Kemeskain, Jean-Maille Olivier. Produain, Samuel Julien, Ian Djengolo Filmeu, Enrolaid à Kemeskadi Studio Kemesk, I Kemper, et Diska Ramzer, Dauville Nantek. Que secours, Rambrou Breiz.